Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En présentation de la rétrospective John Ford qui se tint à la Cinémathèque française en 2015, Jean-François Roger écrivait « Étalée sur 5 décennies, l'œuvre de Ford est un monument aux entrées multiples, une cathédrale aux travées innombrables. » 2 ans plus tard, Cécile Gornet, professeure de philosophie et chercheuse en cinéma, proposait d'emprunter une porte d'entrée particulièrement stimulante dans le monument fordien avec une étude consacrée au western parlant du cinéaste intitulée « L'écriture de l'histoire au miroir du cinéma » parue au Classique Garnier. Son hypothèse, les westerns de Ford, s'ils sont liés aux événements fondateurs de l'histoire des États-Unis, comme tous les films relevant de ce genre, ne sauraient être réduits à des films historiques. Leur force et leur richesse tiendraient à ce qu'ils portent moins sur la trame même des événements que sur leur mise en forme, à l'image du travail de l'historien. Une analyse qu'elle développait, extraits et évocations de films à l'appui, au micro d'Antoine Guillot dans Plan Large, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 30 décembre 2017. Plan Large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot. Plan large sur John Ford, épistémologue et méta-historien, avec Cécile Gornet et Charlotte Garçon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le dernier plan large de l'année. Je m'appelle John Ford, je fais des westerns. L'adresse est fameuse, c'est celle d'une des colonnes du temple hollywoodien d'un immense cinéaste face à ses pairs le 22 octobre 1950 en plein macartisme à l'Assemblée Générale de la Screen Directors Guild, l'association des réalisateurs qu'il a cofondée 15 ans plus tôt et où il s'oppose au projet de Cecil B. 2000 d'exiger de ses membres la signature d'un serment de loyauté envers les États-Unis. C'est une autre histoire sur laquelle nous reviendrons sans doute un jour dans Plan Large. En 50 ans de carrière et quelques 140 films, de The Tornado en 1917 à Frontières chinoises en 1966, l'auteur du Mouchard et des Raisins de la Colère n'a évidemment pas tourné que des westerns, loin s'en faut, mais en se présentant ainsi, il fait de cette partie de son œuvre et en particulier de ses 15 westerns parlants de Stagecoach, La Chevauchée Fantastique en 1939 à Cheyenne Autumn, Les Cheyennes en 1966, la porte d'entrée idéale pour étudier et son cinéma et son rapport à l'histoire. C'est ce à quoi s'est attelé notre invitée, professeure de philosophie et chercheuse en cinéma, Cécile Gornet, avec un essai récemment paru, L'écriture de l'histoire au miroir du cinéma, ou comment montrer, preuves à l'appui et notamment par une fine analyse de sa mise en scène pourtant si discrète, comment les westerns de John Ford à travers et par-delà leur contenu historique et mythique reflètent les enjeux mêmes d'écriture de l'histoire. Regardez les westerns de Ford pour mieux comprendre la pratique de l'historien. Voici ce à quoi nous vous invitons aujourd'hui dans Plan Large. Pour nous y aider, la plus fordienne de nos chroniqueuses, my darling Charlotte Garçon, est également avec nous. En fin d'émission, elle fêtera in extremis les 50 ans des Demoiselles de Rochefort à l'occasion d'un très beau livre qui leur est consacré par Elsa et Natacha Wolinski, Histoire de sœurs, la façon idéale de bien terminer l'année. Well, you know the rest of it. I went to Washington, we won statehood. I became the first governor. 3 terms as governor, 2 terms in the Senate. Ambassador to the court of St. James. Back again to the Senate, and a man who, with a snap of his fingers, could be the next Vice President of the United States. not going to use the story, Mr. Scott? No, sir. This is the West, sir. When the legend becomes fact, print the legend. He's right, Rance. Scène évidemment très célèbre à la fin de L'homme qui tua Liberty Valance, à la fin du récit du sénateur Stoddard, joué par James Stewart, récit ayant rétabli une certaine vérité sur les faits qui lui ont valu sa bonne fortune politique, le rédacteur en chef du journal qu'il interviewe déchire les notes de son journaliste, on a bien entendu le son. Alors à la traduction usuelle de cette séquence, nous sommes dans l'Ouest, lorsque la légende devient la réalité, imprimée la légende, vous proposez, Cécile Gornet, de substituer une autre traduction, une version alternative, je vous cite, « C'est l'Ouest ici, monsieur, quand le mythe se substitue au fait, on imprime le mythe. » On aurait pu aussi passer dans le même genre un extrait du massacre de Fort Apache, hein, quand le colonel York, joué par John Wayne, confirme d'un laconique exact en tout point la vision déformée que s'apprêtent à donner les journalistes du massacre en question. Ce que montrent ces séquences, Cécile Gornet, ce n'est pas tant une mystification que, je vous cite là encore, la façon dont se fabrique cette projection mythique par laquelle l'histoire de la fondation de l'Amérique tend à s'effacer en y cherchant pourtant son sens. Oui, il me semblait que si les westerns de Ford, comme tous les westerns, montrent comment l'histoire s'efface en quelque sorte devant le mythe, il me semble que justement Ford montre le processus de cet effacement, qui est à la fois une mythification et une mystification. Et c'est vrai que l'épilogue de L'homme qui tue à Liberty Valance et celui de Fort Apache également montrent vraiment cette mystification à l'œuvre. Là, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, on entend, comme vous l'avez dit, le rédacteur en chef qui froisse en fait les notes de son jeune journaliste et qui ensuite les jette au feu. Et pendant ce temps-là, il a pris le relais de la parole de Stoddard, donc joué par James Stewart, qui vient en effet de rétablir les faits, en quelque sorte. Et au mépris de ce rétablissement, il décide qu'on gardera le mythe plutôt que la vérité historique. Et il montre en même temps Ford comment l'histoire s'écrit aussi à partir de cette première écriture qui a été celle des journalistes qui ont écrit les faits. À partir desquels les historiens vont ensuite se documenter et écrire leur vérité historique. Ouais, il faut prévenir les historiens, tout ce qui est écrit dans les journaux n'est pas toujours vrai, il faut confronter à d'autres sources. Mais ce qui est toujours passionnant chez Ford, c'est qu'en même temps, il raconte, il construit le mythe par ses films, en même temps, il montre comment ce mythe est fabriqué, sans que ce soit une dénonciation. Il n'est pas là pour dire « regardez comment on vous a mystifié », ce qui est intéressant, c'est de raconter comment ça se passe. Oui, effectivement, il fait confiance à son spectateur. À la fois, il le laisse adhérer à la fiction, et en même temps, il l'éclaire d'une sorte de regard critique. Et donc, c'est à la fois critique et en même temps empathique, puisqu'on reste dans l'histoire, enfin l'histoire du film pour le coup. Et en même temps, il y a des effets de déconstruction indéniables. Alors, John Ford sait de quoi il parle, hein. Vous le rappelez dans votre livre, on le sait, il a fait des études d'histoire avant d'aller à Hollywood, il va passer son temps à lire des livres d'histoire, il fera même la leçon aux journalistes français au milieu des années 60 quand il est à Paris, en disant « je connais certainement mieux l'histoire de la Révolution française que vous-même », et ce rapport à l'histoire, là on va parler des westerns, des 15 westerns parlant dans cette émission, mais Charlotte Garçon, on le sent parcourir toute son œuvre. Oui, c'est étonnant comme on a l'impression qu'il a une passion aussi pour le document, enfin vraiment pour le livre, pour la matérialité de tout ça, et en même temps de voir comme c'est un pur cinéaste dans le sens où au moment du tournage, il faut avoir lu tout ça, mais il faut vraiment se tourner le dos en fait à cette immense masse encyclopédique et se lancer, et c'est une autre étape, et il comprend très très bien l'articulation entre les deux. Et raconter tout cela par des images, avant tout, parce que cette séquence-là, on vient d'en donner une lecture, vous en proposez au moins deux autres dans votre livre, et il y en a certainement pour cette séquence qui a été une des plus commentées de toute l'histoire du cinéma, des dizaines d'autres. Vous y montrez aussi comment se construit, se reconstruit, se recompose la vérité historique. D'abord parce que le personnage même, joué par James Stewart, a appris que ça ne s'était pas passé exactement comme il le croyait. Et vous montrez aussi comment, par des questions de mise en scène, on se retrouve nous-mêmes dans le cinéma. Enfin, il y a la séquence du duel telle qu'on la voit une première fois où James Stewart est censé avoir tué Liberty Valance, et puis la seconde fois où on voit se rend compte que c'est compliqué, on est presque dans un dispositif de mise en abîme du cinéma. Oui, effectivement, quand commence ce deuxième flashback qui est enchaîné, enfin emboîté à l'intérieur du premier, par lequel donc Tom Denifon, joué par John Wayne, raconte à Stoddart ce qui s'est réellement passé cette nuit-là au cours du duel. On va pas le dire à ceux qui n'ont pas encore vu, peut-être qu'il y en a deux, trois, L'homme qui tue à Liberty Valance, grand, grand classique tardif de John Ford. Et c'est vrai que cette séquence de deuxième flashback, elle est introduite par un effet de zoom assez appuyé sur le visage de John Wayne, avec, augmenté par la fumée de la cigarette, la musique, et puis ça commence par le passage de son corps devant la caméra, qui produit un effet de noir, et ça se terminera de la même manière lorsqu'il sort de la séquence. Et on peut le lire pratiquement comme son passage devant le projecteur d'une scène, donc le duel, qui serait comme projeté à l'écran et auquel on assisterait, nous, en tant que spectateurs, avec un effet de mise en abîme évident. Oui. Alors, des séquences comme ça, polysémiques jusqu'à l'infini, le cinéma de Ford en regorge. Un exemple. Ethan ? It's bigger than when I last saw you. I'm Deborah. There's Lucy over there. Deborah? Debbie? And you're Lucy? Yeah, I'm Lucy. I'm mighty glad to see you, Uncle Ethan. She's got a fella. Kisses him, too. Ben, Edwin, off. Go on with Lucy and help with supper. Deborah? You too. Ben? I was just gonna ask Uncle Ethan what he's gonna do with the saber. Well, I kind of figured to give it to you. Thanks. Thanks, Uncle Ethan. C'est la séquence d'ouverture, cette fois, de La prisonnière du désert, The Searchers, presque aussi célèbre, même sans doute encore plus que celle de fin de L'homme qui tue à Liberty Valance, Texas 1868. Je reprends la description de la scène par Patrick Brion dans son livre sur John Ford à la Martinière. Une porte s'ouvre sur un paysage désertique. La caméra, qui était à l'intérieur de la maison, s'avance lentement et, à la suite de la femme qui se trouve devant elle, sort elle aussi de la maison. Le paysage paraît plus immense que jamais. On découvre alors un homme qui se dirige vers la maison. Cet homme, c'est Ethan Edwards, le héros du film, et c'est bien sûr John Wayne. Bel exemple là de distanciation fordienne par le surcadrage. Ça a été très très analysé, hein. C'est encore cette séquence, la porte comme un écran où apparaît l'image cinématographique. On célèbre toujours la mise en scène de Ford pour sa simplicité, sa transparence qu'il revendique toujours en disant « je ne veux pas mettre le spectateur en dehors du film », mais elle n'est pas si simple que ça, cette mise en scène, et parfois elle met le spectateur presque en dehors. Vous parlez de déhiscence, Céline Gornet, il étire le tissu du film pour le rendre visible sans le rompre. Oui, effectivement, il y a une sorte d'équilibre assez improbable entre la déconstruction et la transparence. Alors j'ai proposé cette notion de déhiscence pour trouver quelque chose un peu dans l'entre-deux. Mais c'est vrai que ce qui est troublant avec Ford, c'est qu'à la fois c'est une mise en scène extrêmement simple et fluide, et en même temps il y a des effets d'exhibition de cette écriture, et là dans l'ouverture de The Searchers, c'est flagrant, parce que ce que montre le début de ce film avec cette porte qui s'ouvre sur le noir de l'écran, c'est vraiment la monstration de l'apparition de l'image cinématographique, et de la même manière le film se refermera sur son évanouissement, dans une autre porte qui se referme dans l'autre sens, par la main d'une autre femme à la fin du film. Alors, ce qui est passionnant, évidemment, avec cette séquence, c'est qu'elle n'était pas du tout prévue comme ça au scénario. Hein, c'est votre travail de recherche en cours sur la comparaison entre les scénarios écrits par d'autres scénaristes pour Ford, même s'il mettait toujours son nez dedans, et ce qu'il en fait, lui, quand il écrit au tournage. C'est une idée qui vient au tournage. Effectivement, dans le scénario qu'avait prévu Nugent, le début du film n'était pas du tout celui-là. On commençait... Frank Nugent. Oui, c'est une collaboration très fructueuse. Alors, Ford trouvait le scénario très bien, par ailleurs. Hein, sur les notes qu'il écrit sur le scénario, il dit qu'il en est très content. Mais il procède au tournage un certain nombre de modifications, et notamment le scénario prévoyait un début in medias res de John Wayne dans le désert sur son cheval, et ensuite un plan sur la famille Edwards qui l'accueille. Et d'ailleurs, c'était Debbie qui le voyait la première et non pas Martha. La future prisonnière du désert, Debbie. Effectivement, et donc à ce prologue qui débutait le film dans l'action, dans la narration, Ford substitue ce que j'appellerais plutôt un incipit, c'est-à-dire une mise en scène qui montre comment un film commence et ensuite l'action commence. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans son tournage, il décide de faire commencer le film par la main d'une femme et c'est donc une femme qui nous montre comment le film commence. Et une femme sur le seuil, toujours le seuil de la porte, et c'est là Charlotte Garçon, on peut le reprendre dans beaucoup de films de Ford, et là encore pas seulement les westerns, la femme est sur le seuil. Oui, il y a toujours ce travail, alors pour le coup, de mise en scène, de mise en tension entre l'intérieur et l'extérieur, entre le foyer et puis l'espace, alors soit le désert, mais possiblement la sauvagerie, même si c'est un peu un anglicisme de dire la sauvagerie, mais disons l'espace très très inconnu, dangereux, et qui devient un espace aussi métaphysique, ou au moins existentiel. Et souvent, effectivement, il y a des plans, des compositions, finalement quand même simples, mais très élaborées aussi, avec des barrières, avec l'homme et la femme de part et d'autre de la barrière. Ouais, il y a toujours une barrière, quand il y a un couple chez Ford, il y a toujours une barrière quelque part. Oui, oui, c'est vrai aussi dans L'Homme tranquille, bon, qui n'est pas exactement un western, encore que. Mais c'est beau de voir effectivement que la composition visuelle traduit de manière très économique, on pourrait dire, et donc dans une économie poétique, des notions qui rejoignent des questions historiques, la question bien sûr de la frontière, dont je pense on va parler un petit peu plus précisément. Elle arrive, la frontière. Et qui sont à la fois intimes, parce que on parlait du flashback de l'homme qui tuait Liberty Valance, on parlait du geste inaugural de Martha dans La prisonnière du désert, il y a toujours en fait une sorte de doublure intime à ces structures narratives, c'est-à-dire que dans Liberty Valance, il y a une fêlure à avoir appris la vérité pour ce sénateur, cet homme politique glorieux, il y a toujours une sorte de fêlure intime qui est souvent une fêlure amoureuse, soit de rivalité amoureuse, voilà, soit de... Donc c'est beau aussi cette doublure intime de la grande histoire. Et l'amour et les frontières à dépasser vont parfois au-delà de la frontière entre la vie et la mort. Well, Mary, only six more days to go and your old Nathan will be out of the army. Haven't decided what I'll do yet. Somehow I just can't picture myself back there on the banks of the Wabash, rocking in a front porch. Now I've been thinking I'd maybe push on west. New settlements, California. We had some sad news today, Mary. George Custer was killed. His whole command. Miles Keogh. You remember Miles. Happy-go-lucky Irishman. Who used to waltz so well with you? Yeah, I know. I guess I was a little jealous. Never could waltz myself. Well, take the troop out in the morning. Cheyennes are on. I'm to pick up the patrols and drive them on back north. Probably be my last mission, Mary. Hard to believe. Hard to believe. Voilà, c'est vraiment pour faire plaisir à notre réalisatrice Somanina, encore la voix de John Wayne. John Wayne dans La Charge héroïque, She Wore a Yellow Ribbon. Le capitaine Brittles se recueille sur la tombe de sa femme et de ses filles et il parle à sa femme. Il lui raconte que Custer est mort, qu'il va devoir bientôt repartir en mission. Et vous notez dans votre livre, Cécile Gornet, la récurrence de ces scènes d'enterrement, de ces moments où on se recueille sur une tombe, où on a des égards pour ceux qui sont morts. Et on leur parle, voilà, tous ces dialogues avec les défunts, et vous le reliez, là encore, donc ce côté méta-historique de John Ford, à cet enjeu essentiel du discours historique, écrire sur ce qui est disparu, sur ce qui n'est plus, et donc affronter la mort. Oui, effectivement, c'est Michel de Certeau qui dit que l'écriture de l'histoire joue le rôle d'un rite d'enterrement. Et je pense que c'est très vrai, et il l'apparente au style musical et poétique du tombeau. Ce qui m'a donné envie d'appeler les films de Ford de ce point de vue des films tombeaux. Voilà, au sens littéraire et musical oui, du terme. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que la place laissée aux morts dans ces films, en particulier dans les westerns, est flagrante. En particulier les soins que les vivants adressent aux morts en les recouvrant d'un manteau, d'une couverture, d'un chapeau, toutes les scènes d'enterrement. Et puis ces scènes de dialogue entre des vivants et des morts près de tombes, qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres films que des westerns, notamment dans Young Mr. Lincoln, par exemple. Et cette scène en particulier, elle est vraiment magnifique avec ce rouge crépusculaire du chef opérateur Winton C. Hodge. On a l'impression qu'il a peint sur la pellicule quasiment. Et cette familiarité avec laquelle il s'adresse à sa femme, on comprend que quotidiennement, il lui rend compte de ses actions du jour. Et puis, c'est un homme vieillissant, sur le point de prendre sa retraite. La mission dont il parle, ça va être une mission assez dérisoire et qui va complètement échouer par ailleurs. Donc, c'est vraiment une scène magnifique. Oui, parce qu'autant les femmes sont très importantes hein, chez Ford, autant l'homme est souvent fragile. On a l'idée du héros de western comme ça, alors le John Wayne, mais il est souvent très fragilisé, en tout cas Charlotte Garçon. Oui, mais dans She Wore a Yellow Ribbon, on le voit pleurer. Hein. Il me semble que ça se traduit, ça, cette à la fois la frontière entre vie et mort, la présence, comme vous dites, les morts hantent toujours les vivants, mais en même temps, il y a quelque chose de sépulcral, mais c'est jamais funèbre non plus. Et ça se traduit dans, je trouve, la récurrence des fleurs, en fait. Parce que dans cette scène, enfin, dans ce film She Wore a Yellow Ribbon, il y a aussi une scène auprès de la tombe où la jeune femme, alors elle, vraiment, dans la prime jeunesse, apporte un pot de fleurs et elle dit ce sont des cyclamens, ça veut dire oreilles de lapin, et lui dit ben ma femme elle les appelait pas comme ça, elle les appelait des flèches ardentes. Et en fait il y a souvent la présence au sein du désert d'une fleur, que ce soit l'odeur aussi dans La Poursuite Infernale du parfum du barbier, tout le monde croit que ce sont des fleurs, voilà, les fleurs du désert. Henri Fonda cocotte un peu, oui. Voilà, ou dans La Fleur de Cactus de L'Homme qui tua Liberty Valance, et on a l'impression que cette floraison c'est un peu miraculeux. Il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est catholique dans cette, mais disons que dans quelque chose de très aride et un territoire un peu de mort, il y a quand même cette pousse. Oui, effectivement, la présence de la mort. La présence de la mort n'est pas du tout macabre. C'est plutôt le lien entre le passé et le présent. Et dans ces scènes de dialogue, je crois que c'est Jean-Loup Bourget qui dit que dans les films de Ford, les vivants traitent les morts en familiers. Ce sont vraiment des scènes extrêmement vivantes. Et d'ailleurs, dans la scène dont on vient d'entendre un passage, l'ombre de Olivia, la jeune femme, se projette sur la tombe, et on voit bien effectivement la substitution des deux femmes pour le spectateur, et même dans l'esprit du personnage qui les associe ensuite verbalement. Thinking about now? Gil! What are you thinking about? Oh, I was just thinking about what this place is going to look like a couple years from now. Next summer we can start building a barn. Right on that slope over there, hillside barn, just like I've always wanted. And after that, we can start thinking about building a decent house. I like our house just as it is now. Oh, sure, but I always remember how you ladies hanker after frame houses. Well, I suppose suppose the place looks so beautiful you won't care what your wife looks like. I can get blisters all over my hands and my nose peeled, and that's the thanks I get for it. Let's see some of those blisters you're talking so big. No! No, no, never mind. Let it go! Why, Lonnie, your hand is sore. Maybe you oughtn't to come out here like this. I want to. I know, but hands hard work. It's about the hardest work there is. It's no job for a woman. Oh, now there you go. Just because a woman is raised in a town, she has to be frail. I'm not. I'm strong. You said yourself you couldn't have done without me. I sure married myself some good hot no, no, help. No, stop. Stop it yourself. Do you like me as much as you do your old farm? Quand voilà un beau couple fordien, Claudette Colbert et Henri Fonda, Madame et Mister Martin, le couple de pionniers de Sur la piste des Mohawks, à quoi tu penses, lui demande-t-elle, à ce que sera cette terre dans quelques années, lui répond-il. Alors là, il y a du projet hein, de construction. Alors évidemment, l'originalité de ce film, c'est qu'il montre la guerre d'indépendance des États-Unis face à l'Angleterre, mais il ne la montre pas à Boston. C'est pas le Boston Tea Party, c'est vraiment du point de vue des pionniers à l'Ouest, une façon de dire, c'est Cécile Gornay, que l'histoire des États-Unis, c'est à l'ouest qu'elle se construit et pas sur la côte est. Effectivement, dans cette mesure, il reprend la thèse de l'historien Turner. Frederick Jackson Turner. Oui, qui en 1893 avait justement posé cette idée que la fondation de l'identité américaine ne s'était pas jouée à l'est au moment de la Révolution américaine, mais à l'ouest, par l'œuvre des pionniers. Et ce film montre ce déplacement, effectivement, d'est en ouest. Et dans la scène que vous montrez, il y a effectivement, enfin qu'on vient d'entendre plutôt, il y a une insistance sur cet élan pionnier, notamment dans les regards hors champ de Gil et sa femme, qui sont très appuyés et très insistants. Et puis aussi, c'est un film qui, en fait, montre le parcours, le déplacement d'est en ouest de Lana, son devenir pionnière. Et dans cette scène, c'est manifeste et presque elle doit résister et revendiquer son devenir pionnière en face de son mari qui la ramène à ses origines de l'est, au contraire. Charles Garçon. D'ailleurs, ses vêtements ont la couleur du futur drapeau américain. Mais moi, à les entendre, c'est étrange, peut-être que parce que j'ai beaucoup vu Claudette Colbert plutôt dans des comédies romantiques, dans des comédies du remariage des années 30, et là on est en 1939, j'ai l'impression qu'elle amène chez Ford quelque chose qui n'est peut-être pas très fordien et qui est ce scénario un petit peu du remariage. Et dans la scène qu'on entend, c'est un petit peu des querelles qui ont cessé à ce moment-là, et du coup ils se redécouvre. Et c'est assez étonnant cette capacité du cinéma de Ford à accueillir comme ça des passages, presque comme des nuages qui passent, d'autres genres, puisque évidemment c'est un film qui n'est pas du tout une comédie de remariage, hein. C'est parce que je transforme pas Sur la piste des Mohawks en une comédie de remariage, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui passe et qu'il arrive à très très bien intégrer de par la présence par exemple de Claudette Colbert ici. Oui, Cécile Gornay. Effectivement, et à la fin de cette scène, il y a un raccord assez pudique en fin de compte, parce qu'on les laisse en train de s'embrasser dans les foins. Dans les foins, exactement. Et la scène d'après, c'est leur visite au fort, au cours de laquelle on apprendra par une sorte de maladresse de sa part à elle qu'elle est enceinte. Donc, il y a énormément de bébés, de naissances. C'est très physique. Enfin, on voit quand même d'assez près le. Et John Ford, ça tarde, oui, sur le nouveau-né. Oui, on voit beaucoup de nourrissons, notamment dans Three Godfathers. Les scènes avec le nourrisson sont très très présentes et magnifiques. Well, Nora, would you tell the class what you learned about the United States? The United States is a republic, and a republic is a state in which the people are the boss. That means us. And if the big shots in Washington don't do like we vote, we don't vote for them, by golly, no more. Anymore. Anymore. That's fine, Nora. That's just fine. Now, I wonder if anybody in class remembers what the basic law of the land is called. Now, you remember I told you that it had to be added to and changed from time to time by things called amendments. Now, does anybody remember? Oh, Julieta, your hand's always up. Here, let's Pompey, you try this one. It was writ by Mr. Thomas Jefferson of Virginia. It was written, Pompey. Written by Mr. Thomas Jefferson. And he called it the Constitution. Declaration of Independence. It begun with the words, we hold these truths to be self-evident. Let him alone, Charlie. Self-evident. That all men are created equal. That's fine, Pompey. I knew that, Mr. Rance, but I just plumb forgot it. Oh, that's all right, Pompey. A lot of people forget that part of it. You did just fine, Pompey. Il n'y a pas que des enfants dans la salle de classe improvisée dans l'arrière-boutique d'un journal dans la petite ville de Shinbone. C'est encore l'homme qui tue à Liberty Valance, Stoddard, dont James Stewart pose des questions sur la déclaration d'indépendance des États-Unis, enfin que certains confondent avec la Constitution. Et celui qui est interpellé à la fin, c'est Pompey, le domestique noir de Doniphone. Il se lève, vous faites bien remarquer qu'il a le visage au même niveau que le portrait d'Abraham Lincoln. Et il va essayer de réciter le début de la déclaration d'indépendance. Et puis il a un peu oublié. Tous les hommes sont nés égaux, lui rappelle Stoddard. Je le savais, mais je l'ai oublié, répond Pompey. Et ce sur quoi conclut Stoddard, beaucoup de gens ont tendance à l'oublier. Et alors c'est un film qui parle beaucoup dans l'Amérique d'aujourd'hui, comme dans celle des westerns de John Ford. Évidemment, l'égalité des Noirs et des Blancs, ça ne va pas de soi. Oui, effectivement, c'est Woody Strode qui joue le rôle de Pompey. Dans ce film, il a une certaine importance, puisque c'est le domestique de Tom Doniphone, et il a souvent des actions assez décisives pour sauver son patron. Et là, effectivement, on a vraiment l'impression d'assister à une leçon d'éducation à la citoyenneté et d'intégration. Juste avant, la femme qui a rappelé que dans une république, c'est le peuple qui est le boss. C'est Nora, qui est une immigrée suédoise. Et puis Woody Strode, c'est celui qui, deux ans plus tôt, a joué le héros du sergent noir, donc Sergeant Rutledge. Alors, vous avez dit sergent noir d'abord et non Sergeant Rutledge. C'est un des grands contresens des traductions un peu étranges des titres des films de John Ford en français. S'il appelle son film Sergeant Rutledge avec Woody Strode, donc c'est bien pour que le public ne sache pas au départ qu'il y a une question de couleur de peau dans ce film. Il va voir l'histoire d'un soldat et il se trouve que ce soldat est noir, mais c'est une façon de raconter que les soldats noirs ont grandement contribué à la conquête de l'Ouest. Oui, effectivement, d'ailleurs c'est le seul film de Ford qui porte en quelque sorte comme titre le nom de son personnage. Et je dirais aussi que c'est le seul film où on voit véritablement un héros qui se tient d'aplomb. Et il se trouve que ce héros est noir, parce que dans tous les autres films, les héros sont extrêmement fragiles, que comme on l'a dit tout à l'heure, soit ils sont en crise, soit ils sont tourmentés, soit ils sont vieillissants, soit ils sont complètement pétris de haine, fêlés, etc. Et effectivement, Sergeant Rutledge, c'est un héros sans conteste. Alors Woody Strode, c'est un des membres éminents de la John Ford Stock Company. On avait parlé au début du mois de la Sturgis Stock Company, ces acteurs qui faisaient le bonheur des films de Preston Sturgis. Il y a toute une troupe comme ça de second rôle qui ont parfois et souvent un rôle éminent à l'écran. Charlotte Garçon, le peuple de John Ford, il s'agit aussi de filmer les gens de peu et de leur donner une grande importance à l'écran. Oui, d'ailleurs c'est la mère dans Les raisins de la colère, vous allez me dire le nom de l'actrice, j'ai un peu oublié. Jane Darwell. Voilà, Jane Darwell, qui fait aussi partie de cette troupe qui dit le peuple, c'est nous, quoi. Et c'est à la fois la simplicité de cette phrase et en même temps, c'est important que ce soit ce personnage de mère qui le dise. Il y a aussi Ward Bond qui est dans presque tous les westerns de Ford. Et il y a quelque chose de véritablement théâtral, enfin, d'une troupe au sens aussi où je parlais des genres qui s'invitent dans d'autres genre chez Ford, il y a quelque chose de shakespearien à cela, et je pense que c'est pas un hasard si Shakespeare lui-même est cité dans La Poursuite Infernale, où vraiment un type dont, voilà, des gens dont on ne s'attend pas du tout à ce qu'ils connaissent le monologue d'Hamlet vont tout à coup en plein saloon monter sur la table et le réciter. Et je trouve qu'il n'y a pas seulement un goût de l'histoire chez Ford, il y a aussi un goût vraiment du théâtre avec tout ce qu'il implique. de collectif et de politique de ce collectif. On pourrait dire. Oui, effectivement. C'est Sigourney. Et puis pour revenir à Shakespeare, la pratique du contrepoint entre les moments dramatiques et les moments humoristiques, qui est un procédé très shakespearien, c'est une pratique qui est très fordienne également. Alors, il y a peut-être quelque chose de symptomatique. Ça fait une demi-heure qu'on parle de John Ford et de Western dans Plan Large sur France Culture et on n'a pas encore parlé des Indiens. Buenas tardes, mi jefe. Caballeros, this is the great cicatrice. Watch his scar, eh? Plain to see how you got your name. You big shoulders. Young one, he who follows. You speak pretty good American. Or a Comanche. Someone teach you? Tisha, Peneye, Pelacana Kwe. Abo Tie, Bo Kim Temoe. Temoe is right, we come to trade. Only not out here. I don't stand talking in the wind. Craviel, caballo acá. Dan un par de paseos para el jefe. You speak good Comanche. Someone teach you? You stay out of here. Not likely. Encore un extrait de La prisonnière du désert, c'est la rencontre longtemps différée dans le film entre Ethan et Scar, cicatrice, le chef des Indiens rebelles. Alors Ethan va lui dire « tu parles pas mal anglais pour un Comanche, quelqu'un t'a appris ». Et à la fin de la séquence, Scar va lui rendre la politesse « tu parles bien Comanche », dit-il à Ethan, « quelqu'un t'a appris ». Une façon pour Ford évidemment de montrer que les oppositions classiques du western, civilisation, barbarie, nature, culture, ne sont pas si tranchées que ça, et que la conquête de l'Ouest, ce n'est pas la lutte de la civilisation contre la barbarie ou la sauvagerie, pour reprendre l'anglicisme dont vous parliez tout à l'heure, Charlotte Garçon, ce sont deux civilisations qui s'affrontent. Oui, effectivement, là, dans cet affrontement de ces deux ennemis que sont Scar et Ethan, on voit une sorte d'effet de miroir renversé par lequel chacun finalement renvoie à l'autre et à sa fêlure, parce que si Scar porte sa cicatrice sur le visage, on peut dire que Ethan la porte à l'intérieur de lui. Et puis c'est important que la scène se cristallise autour de la langue, qui est quand même le premier vecteur de l'identité culturelle. Et je crois vraiment que ce que Ford montre à travers cette scène, et puis le rapport en général aux Indiens dans ces films, c'est la dialectique des identités et effectivement le fait que l'identité culturelle indienne ne vaut pas moins ni mieux d'ailleurs que l'identité culturelle blanche, mais qu'il s'agit d'identité humaine dans les deux cas et qu'on peut effectivement les renvoyer par des effets de miroir. Oui, parce que la question de la barbarie traverse toutes les cultures. Il y a des Indiens barbares comme il y a des Blancs et des Brutes barbares chez Ford. Et il n'y a pas non plus le mythe du bon sauvage. Il est dans la complexité, toujours Charlotte Garçon. Oui, l'Indien est autant un homme politique, enfin est un homo politicus que l'occidental. Et on le voit aussi dans la charge héroïque, puisque alors qu'il est au bord de la retraite, Nathan Brittles va quand même aller voir son ami, un chef indien, pour essayer absolument d'arrêter l'immense guerre de plusieurs tribus. Et ils se parlent et finalement, ils sont unis dans quelque chose de générationnel. C'est tous les deux des vieux. Et même le chef est de bonne volonté, mais il dit voilà, moi c'est la génération d'après qui veut faire la guerre. Et donc ni toi ni moi, on n'y peut faire grand chose. Donc effectivement, le clivage, il n'est pas entre l'Indien et l'Américain. Mais il faut préciser qu'il y a un immense respect pour les Indiens chez John Ford. Ici, dans La prisonnière du désert, ce n'est pas un Indien qui joue le chef Scar, c'est Henry Brandon, mais on a souvent des comédiens indiens. Quand John Ford tourne dans son décor de prédilection Monument Valley, il est en territoire Navajo, il fait travailler à l'écran et derrière l'écran des Indiens. Il a même un surnom chez les Indiens, Sigourney. Oui, Nathan Inez, qui veut dire grand chef, je crois. Et effectivement, il dans ses films, il fait de véritables portraits des Indiens. Il leur accorde une place immense. Et en ce sens, il, d'une certaine façon, comme avec les femmes et les Noirs dont on parlait tout à l'heure, il montre les refoulés de la projection mythique. Et il accorde vraiment une place aux Indiens. Dans La Chevauchée Fantastique, le premier visage, enfin le premier homme en plan rapproché qu'on voit, c'est un Indien. Et puis il y a des portraits dans tous ces films. Alors ce lieu de tournage, Monument Valley, c'est peut-être le lieu de mémoire par excellence, hein, le tombeau dont on parlait tout à l'heure. C'est un lieu qui n'a rien à voir avec l'histoire. Dans les films à Monument Valley, on y met tout. Il y a des diligences qui passent, des camps indiens qui s'installent, des fermes même, alors que c'est un territoire assez aride où personne ne voudrait s'installer. A priori, historiquement, il s'est pas passé grand-chose à Monument Valley, en tout cas pas les événements rapportés dans les films de Ford. C'est un espace purement cinématographique. Oui, effectivement, c'est vraiment la constitution d'un cliché. C'est un espace que Ford a construit au mépris du réalisme, en effet. Et c'est un lieu de tournage qui est complètement disjoint des véritables lieux où s'est passée la conquête de l'Ouest. Il a vraiment fabriqué un lieu mythique à travers ses décors. Oui. Mais c'est un espace, en plus, géographiquement, qui a l'air de se reconfigurer sans cesse. Vous montrez comment on tourne en rond sans arrêt dans Monument Valley. On a beau avoir fait des kilomètres, on a toujours le même monument minéral derrière. Là, c'est concrétion absolument impressionnante. Et en fait, tous les films de John Ford désorientent comme ça le spectateur. Charlotte Garçon, on prend par exemple, comme c'est montré dans le livre de Cécile Gornet, le duel final de la poursuite infernale, My Darling Clementine, et là le spectateur est complètement paumé. Oui, c'est effectivement, depuis que j'ai lu votre livre, je vois qu'on tourne en rond. C'est-à-dire que une fois qu'on a lu, on peut plus s'empêcher de se dire, ah mais oui, en fait, on revoit. Et alors, vous donnez, avec des petites vignettes, vous donnez, votre livre n'est pas du tout un livre illustré au sens de coffee table book, comme disent les Américains, mais vous donnez quand même les vignettes avec vraiment précisément les concrétions minérales. Et il y en a un qui s'appelle West Mitten, donc c'est quoi la moufle? C'est la mitaine. C'est la mitaine parce que c'est de l'Ouest. Et on dirait une main. Enfin, on dirait effectivement une moufle. Et en fait, c'est ça, le monument. Enfin, le monument fordien. C'est quand on pense au paysage de Ford, c'est ça. Et ce qui est beau, c'est que je parlais de tension entre l'intérieur et l'extérieur. Finalement, ces immenses paysages dont il fait un usage dans les poursuites qui est vraiment impressionnant parce qu'il y a une amplitude de champ énorme. Dans aucun autre film, il y a cette amplitude de champ. Et en même temps, c'est presque, les intérieurs sont inclus dedans. Enfin, c'est-à-dire que les forts ressemblent à, physiquement, aux masses géologiques, c'est étonnant cette Oui, vous dites même qu'il y a une métonymie entre les noms des monuments et les personnages représentés ou les situations. Oui, effectivement, tous les noms de monuments renvoient à des choses humaines, soit des personnages, soit des édifices. Et il y a certains plans qui mettent en relief cette proximité entre les monuments naturels et les monuments culturels, notamment un travelling dans Chihuahua Yellow Ribbon où les soldats sortent du fort. Et il y a vraiment une continuité entre l'architecture humaine et les architectures naturelles du désert. Now, folks, I hereby declare the first church of Tombstone, which ain't got no name yet, nor no preacher either, officially dedicated. Now, I don't pretend to be no preacher, but I've read the good book from cover to cover and back again, and I nary found one word agin dancing. So we'll commence by having a dad blasted good dance. Thank you. oblige me, ma'am. Thank you. Back here, back, and make room for our new marshal and his lady fair. Scène d'inauguration de l'église par un pasteur improvisé qui a lu la Bible du début à la fin et dans l'autre sens et qui n'y a rien trouvé contre la danse, et donc on danse naturellement pour célébrer cet événement. C'est dans la poursuite infernale et on oublie souvent peut-être qu'il y a des moments tout à fait réjouissants dans les films de John Ford, très drôles aussi. On se moque beaucoup de nombre de piliers de la civilisation américaine, que ce soit, alors c'est toujours assez gentil hein, comme moquerie, l'église, la police, la justice, l'armée, et surtout, on y documente des pratiques, que ce soit la danse communautaire, des tas de gestes du quotidien. Vous insistez beaucoup sur le côté poreux des récits de Ford, qui a le même tact que le bon historien, qui arrive à rendre compte de ce qu'était la vie quotidienne. On est vraiment dans l'école des annales. Oui, effectivement, ce tact, c'est une idée que j'ai trouvée chez Krakauer, qui assigne à l'historien et au cinéaste finalement la même mission, qui est celle de capter la singularité du réel par ses détails. Et effectivement, il me semble que c'est assez flagrant dans la narration de Ford, qui témoigne d'une très grande attention aux détails. Et dans My Darling Clementine, La Poursuite Infernale, c'est particulièrement le cas. Et ça l'était même davantage avant que Zanuck remonte le film. Ça, on s'en rend compte malgré le retaillage de Daryl Zanuck, qui essaie de dramatiser le film, d'enlever tous ces moments qu'on appellerait faibles ou moments vides, qui font tout le sel du cinéma de John Ford. Vous avez comparé les deux versions? Oui, on a retrouvé dans des archives la version de preview, les premières versions montrées au public avant montage définitif. Et il manque la première bobine, mais ça permet quand même de comparer ce qu'avait tourné Ford avec le montage final opéré par Zanuck, et on voit les coupes. Et notamment pour cette scène de l'inauguration du clocher de l'église, c'était précédé d'un moment beaucoup plus long d'arrivée des convives avec des chansons dans une carriole, etc. Et heureusement que Zanuck n'a pas coupé la scène de danse et qu'on peut quand même en profiter. Oui, parce qu'il y a de la danse, il y a de la musique chez Ford et il y a beaucoup de chansons. Le film ne s'appelle pas My Darling Clementine pour rien, de même que She Wore a Yellow Ribbon ne s'appelle pas pour rien avec ce titre de chanson, ou même The Searchers, c'est un titre de chanson. Évidemment, les titres étranges choisis par les distributeurs français ne peuvent pas nous le faire comprendre. Je rappelle que respectivement, c'est La Poursuite Infernale, La Charge Héroïque et La Prisonnière du Désert. Mais alors ça vous fait plaisir, Charlotte Garston, la matrice de comédie musicale que vous êtes, ça chante toujours chez Ford. Oui, même où ça danse, effectivement. Alors ça danse même quand on sait pas danser. Par contre, ça chante plus en off. C'est plutôt des chansons, mais des chants qui portent ce folklore aussi. Peut-être il faudrait pas non plus réduire cet aspect-là à un aspect folklorique ou même ethnographique. Ce qui est beau, c'est que ça marche à double, ça marche des deux côtés. C'est-à-dire que la théière brisée sur la piste des Mohawks de cette jeune femme qui était une jeune femme de l'Est et qui a appris à vivre à l'Ouest, et finalement le dernier degré de peur, c'est que même sa théière qu'elle a héritée de sa mère va être brisée. C'est un petit objet, à la fois c'est un objet dans le sens ethnographique de comment vivaient les pionniers, et en même temps c'est symbolique d'un basculement de la vie de l'Est à la vie de l'Ouest. Et on pourrait dire que le bal, c'est un peu l'inverse. Enfin, c'est l'Ouest qui est définitivement civilisé, non pas parce qu'on y a enfin apporté la police, mais parce que enfin on peut danser, même quand il n'y a pas de toit au-dessus de l'église. I left my gal in West Virginia, fell in behind the wagon train. Another I left in old Kentucky, fell in behind the wagon train. I left my gal in Indiana, fell in behind the wagon train. Another I left in old Missouri, fell in behind the wagon train. Big wheels keep on turning. promised land for my gal, I'll still be yearning. Voilà, on se quitte avec cette chanson qui ouvre le convoi des braves au Wagon Master de John Ford en 1950. Il y a évidemment beaucoup, énormément encore à dire sur le cinéma de John Ford. On y reviendra très probablement à la fois sur France Culture, dans Plan Large et dans d'autres émissions. Merci Cécile Gornet d'être venue nous voir de Béziers. Votre livre « L'écriture de l'histoire au miroir du cinéma, les westerns de John Ford » est publié par Classique Garnier dans la collection Recherche cinématographique. Et puis pour approfondir la question, on renverra par exemple vers le livre co-dirigé par Jacques Daniel, Jean-François Roger et Charles Tatum Jr., John Ford, penser et rêver l'histoire chez Yellow No, ou encore John Ford, l'homme et ses films de Tag Gallagher, publié par Capricci en 2014, c'était au moment de la très grande rétrospective de la Cinémathèque française. Et puis pour se régaler les yeux, enfin le très beau livre de Patrick Brion à la Martinière. En 1966, John Ford signait son dernier film, Frontières chinoises, Seven Women, en bon français, Sept femmes, dans son titre original. Donc, un an plus tard, c'était deux femmes qui allaient entrer dans l'histoire du cinéma. Deux femmes, deux sœurs et jumelles, qui plus est. Nous sommes deux sœurs, nous sommes deux sœurs jumelles, mais sous le signe sol, la, sol, si, do, pa, do, mi, sol, la, sol, ré, si, la, sol, si, mais sous le signe des jumeaux. Nous sommes deux sœurs jumelles, mais sous le signe des jumeaux. Ha, bah, doud, nous, lirut, nirut, ha, bah, doud, nous, lirut, nirut. Nous sommes deux sœurs jumelles, mais sous le signe des jumeaux. One and bido with the one do, né sous le signe des Gémeaux. Nous sommes deux sœurs jumelles, né sous le signe des Gémeaux. Si la tirée de dos, si la tirée de dos, si la ré. Nous sommes deux sœurs jumelles, né sous le signe des Gémeaux. Si la si do re do si la fa fa sol sol si do si la sol si do si la sol mi mi fa né sous le signe des Gémeaux. Nous sommes deux sœurs jumelles nées sous le signe des Gémeaux. Ha ba poudre yarod nou da da dou nées sous le signe des Gémeaux. Oui. Évidemment, ce n'est pas très facile de trouver la mélodie adéquate pour faire accéder les paroles de Jacques Demy à l'immortalité. C'est un extrait des séances de travail de Michel Legrand, enregistré à l'époque par un magnétophone à cassette que Demy avait posé sur son piano. Des bandes retrouvées par Stéphane Le Rouge et publiées dans le coffret 5 CD, édition définitive publiée cette année pour les 50 ans des Demoiselles de Rochefort. Oui, 50 ans, le film est sorti le 8 mars 1967 et avant que ne se termine 2017, c'est demain déjà, il était temps, grand temps, qu'à Plan Large on souffle ses bougies. On profite de la sortie d'un très chatoyant livre hommage écrit et conçu par deux autres sœurs, Elsa et Natacha Wolinski, les Demoiselles de Rochefort, histoire de sœurs aux éditions de la Martinière, pour revenir avec vous, Charlotte Garçon, sur cette friandise pop, pas si légère que ça, hein, colorée certes, mais très noire aussi. Oui, cet album, c'est finalement l'une des dernières manifestations de quelque chose qui est une sorte de phénomène quand même en France. C'est-à-dire, je connais pas d'autres films français qui continuent 50 ans après sa sortie à susciter des nouvelles vagues, non seulement d'enthousiasme, d'admiration, mais aussi qui prennent à chaque fois des formes différentes. Ça peut être la réédition de Brouillon. C'est très rare d'entendre comme ça des maquettes, des essais de chansons, parce que on a l'impression qu'un film, il est figé dans sa forme finale. Et c'est vraiment unique. Il y a eu le documentaire d'Agnès Varda, Les Demoiselles ont eu 25 ans, qui est désormais sur toutes les éditions DVD du livre. Et puis maintenant, c'est le double. Elles en ont 50. Et il y a, par exemple, des flash mobs dans la rue. C'est ces moments de danse collective comme ça, programmés, parfois avec des enfants. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des ciné-concerts. Michel Legrand a très récemment signé une partition nouvelle présentée sur scène avant le film. Et donc, en fait, ça ne va jamais finir. Il y a eu un coffret tout récent où il y a bizarrement, Les Demoiselles de Rochefort, Les Parapluies de Cherbourg de Demy, et entre les deux, vraiment entrelardé, La La Land, le film de 2015 de Damien Chazelle, comme une sorte de retour aux États-Unis de l'inspiration américaine de Jacques Demy. Et ce qui me semble intéressant dans ce phénomène, c'est pas tant le fait que ce serait une espèce de niche marketing, je crois que c'est vraiment pas ça, c'est quelque chose qui est programmé intrinsèquement par le film, à savoir chez Demy, cet alliage vraiment génial entre l'amateurisme et le professionnalisme extrême. Alors professionnalisme parce que en 1966, les danseurs, il faut carrément aller les chercher en Angleterre parce qu'on n'a pas de tradition de la comédie musicale en France. Professionnalisme aussi des chanteurs qui doublent les acteurs que nous connaissons, nous cinéphiles, mais de manière vraiment absolument parfaite, avec, on a l'impression qu'ils, leur souffle est vraiment accordé au souffle des acteurs, leur tessiture, enfin bon, c'est étonnant. Et en même temps, amateurisme, parce que choisir Catherine Deneuve pour jouer une professeure de danse, voilà, c'est un peu comme Henry Fonda chez John Ford, elle a quelque chose d'assez raide dans son corps, et en fait, il utilise ça, c'est-à-dire que c'est pas une maladresse, c'est que ça donne quelque chose aussi à la dynamique du récit et au personnage. Et d'ailleurs, cet alliage d'amateurisme et de professionnalisme, en quelque sorte, il se retrouve aussi dans le décor du film. C'est le seul film que je connaisse qui transforme une ville en studio de cinéma. Alors, il faut évidemment repeindre 40 000 mètres carrés de façade, 4 000 volets, etc. Mais en même temps, ce qui est beau, c'est que Demy n'a pas du tout renoncé à son goût des plans à la grue. Hein, c'est pas parce qu'il a un budget 5 fois moindre que pour une comédie hollywoodienne qu'il va renoncer à cette amplitude, cette ampleur-là, qui vient bien sûr de Max Ophuls, du cinéma très élégant, des grands mouvements de caméra de Max Ophuls, dont il invite bien sûr l'actrice fétiche Danielle Darrieux pour jouer la mère des Demoiselles de Rochefort. Et cette maîtrise de la caméra, des grands mouvements de caméra, elle est très surprenante pour quelqu'un de la génération des cinéastes de la Nouvelle Vague. Et elle lui vient, je pense, de son enfance, parce qu'il avait très très ingénieux, mais aussi elle lui vient du fait qu'en 1956, Jacques Demy a coordonné le mariage de la supervision technique en cinémascope du mariage de Grace Kelly avec le prince Rainier. Et du coup, ça voulait dire 4 opérateurs, un hélicoptère, etc. Donc 10 ans plus tard, on retrouve cette majesté dans la façon dont Les Demoiselles de Rochefort s'ouvrent, c'est-à-dire que Jacques Demy a l'idée de mettre sa caméra sur le tablier du pont transbordeur de Rochefort. Et du coup, la caméra est vraiment associée, collée au mécanisme du pont. Et tout de suite, ça transforme les acteurs danseurs en petits ronds blancs comme ça qui se déplacent, et on pense au père de la comédie musicale américaine filmée, à savoir Busby Berkeley. Et c'est important que cette figure un petit peu oubliée, Busby Berkeley, on n'y pense pas, ouvre Les Demoiselles de Rochefort, et on n'y reviendra pas. Mais en tout cas, je pense que c'est une naissance à la comédie musicale pour Jacques Demy. Donc naître à la comédie musicale, c'est forcément aussi inviter l'Amérique. L'Amérique avec George Chakiris, qui sort tout droit de West Side Story, film qu'a étudié de très près Jacques Demy quand il l'a vu aux États-Unis. Et puis bien sûr, le coup au cœur, qui est l'apparition de Gene Kelly tout à coup dans une colure comme ça, tout à coup. C'est toute la comédie musicale des années 40 et 50 qu'adore Jacques Demy, qui surgit dans une petite ville de province française. Donc voilà, en invitant Gene Kelly, en invitant la comédie musicale américaine, c'est une façon aussi de dire aucun scrupule pour le lyrisme, envers le lyrisme, aucun scrupule envers la couleur artificielle, parce que il y a des prédécesseurs comme les Américains, comme Vincente Minnelli par exemple, avec qui Jacques Demy partageait la formation de peintre. Je comprends rien à ce qu'il raconte. Bref, on voudrait coucher avec vous. Quoi ? On voit très bien où vous voulez en venir. Toujours la même rengaine, toujours la bagatelle, toujours les types m'entraînent dans leur chambre d'hôtel. Pourquoi ? Jamais de je vous aime, jamais de je t'attends, jamais de beaux poèmes comme aux dames d'antan. Pourquoi ? Toujours la même histoire, toujours des aventures, toujours on me fait croire que jamais rien ne dure. Pourquoi ? Pourquoi ? Jamais de sentiments. Pourquoi ? Jamais de romantisme. Pourquoi ? Jamais de grands moments bouleversant de lyrisme. Pourquoi toujours es-tu pressée ? Merci Charlotte Garçon, Les Demoiselles de Rochefort, histoire de sœurs d'Elsa et Natacha Wolinski. C'est publié aux éditions de la Martinière, pour ceux qui ont oublié de fêter Noël. Quant au film, on peut donc notamment le revoir dans le coffret Arte que vous signaliez, avec La La Land en sandwich entre les parapluies de Cherbourg et Les Demoiselles de Rochefort. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Élise Le, l'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Somani Na. D'accord, d'accord. Toujours la même rengaine, toujours on nous délaisse, toujours on nous dit non, jamais on nous dit oui, pourquoi? Et toujours des promesses, et toujours des demain. On n'a vraiment pas de chance, on n'a pas l'air malin. Pourquoi? Oui. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 30 décembre 2017. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.